بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. L'auteur dit رحمه الله باب الغسل من الجنابة. Le chapitre concernant le lavage, bien le bain rituel pour enlever la janaba. Donc il dit باب, on avait déjà expliqué ce que c'était, c'est la porte dans la langue arabe. Et là ça renvoie au chapitre dans le sens consensuel des savants du fiqh. Al-Ruslu, avec la Dhamma sur le règne. Et il y a Al-Raslu, avec la Fetha sur le règne. Al-Raslu, avec la Fetha. Donc avec une Fetha sur le règne. Al-Raslu. C'est un Masdar, on avait déjà expliqué ce qu'était un Masdar. C'est un nom d'action renvoyant à ce que fait le sujet par le verbe cité dans la phrase. Donc Al-Raslu, c'est le lavage. C'est le lavage en français. C'est le fait de laver quelque chose. Le fait de laver quelque chose. On dit en arabe, rasala yarsilu raslan. Donc elle rasle, c'est le masdar, c'est le nom d'action. Donc qu'est-ce que fait le sujet à travers ce verbe? Il fait un rasle. Yarsilu raslan. Et elle ruslu avec la dhamma. Donc ça c'est un ismu masdar. C'est le nom renvoyant au masdar rasle. Dans le sens, Al-Ruslu avec la Dhamma, c'est un ismu masdar, c'est le nom d'un masdar. Donc il renvoie à un masdar dans son sens, mais pas dans sa construction. Il renvoie à quel masdar? Au masdar irtisal. Irtasala, yirtasilu, irtisalan. Donc le masdar, le nom d'action du verbe irtasala. Irtasala, c'est-à-dire il s'est lavé. Yartasilu, c'est le mudari, il se lave. Irtisalan, c'est le masdar. Qu'est-ce que fait quelqu'un lorsqu'on dit yartasilu? Il fait un irtisal. Donc il fait un lavage de soi-même. L'irtisal, c'est le masdar. Le mot rusl, c'est ismu masdar. Ça renvoie à ce masdar-là, dans le sens, mais pas dans la construction. Parce que rusl et irtisal, c'est pas la même construction. Donc el ruslu, c'est le fait de se laver soi-même. Et el raslu, c'est laver. Donc autre chose. C'est pour ça que lorsque l'on parle du lavage du mort, on dit raslul meyit. On ne dit pas ruslul meyit. Parce que le mort, il ne se lave pas à lui-même, mais c'est plutôt autrui qui le lave. Donc on dit raslul meyit avec la fetha. On dit raslul thawbi, laver un vêtement. On dit raslul thawbi, car le vêtement ne se lave pas à lui-même. C'est quelqu'un d'autre qui le lave. Donc tout ça, c'est avec la fatha. Raslu thawbi, raslu meyit. Car on vise par cela donc le fait que c'est quelqu'un d'autre qui lave. En revanche, on dit ruslu al-janaba. Ruslu avec la dhamma al-janaba. Ou ruslu al-jumu'a. Le lavage du jumu'a, car la personne se lave elle-même. On peut dire avec la fatha raslu al-jumu'a et raslu al-janaba dans le sens où tu vises le lavage de ta peau. Que toi tu laves ta peau. Donc le lavage dans le sens du masdar, c'est al-raslu, et dans le sens de al-irtisal, c'est al-ruslu. Donc est le lavage de soi-même. Et al-arsal, qui est donc le pluriel de rusl, al-aqismain, ils sont de deux catégories, wajiba wa mustahabba. Il y a des lavages qui sont obligatoires, donc dans la sharia, et d'autres qui sont recommandés. Les obligatoires sont au nombre de quatre principalement. Donc ruslul janaba, le lavage en raison de la janaba que l'on va expliquer, wa ruslul hayd, et le lavage en raison des menstrues, wa ruslul mayyit, le lavage donc du mort, ou bien raslul mayyit, wa ruslul islam, et le lavage pour rentrer en islam. Donc quatre lavages principaux. Le premier, le lavage en raison de la janaba, le deuxième en raison des menstrues, le troisième c'est le lavage du mort, et le quatrième c'est le lavage pour entrer en islam. Ça, c'est les quatre obligatoires. Et parmi les recommandés, principalement, il y a le lavage du Jumu'a, ruslul Jumu'a, wa ruslul Idain, aussi pour les deux Id, pour les deux fêtes, wa ruslul Ihram, aussi le lavage pour se mettre en état de sacralisation lors du Hajj, lorsqu'on arrive donc au Miqat. Al-Janaba, babu al-rusli min al-Janaba. Mina, ça c'est donc une préposition qui veut dire en raison de. Si on doit traduire, c'est en raison de. Babul Rusli, donc le chapitre du lavage, en raison de la janaba. Qu'est-ce que al janaba? Donc le janaba dans la législation, c'est un hadathun akbar. Et le hadath akbar, c'est donc une grande impureté notionnelle. Et dans son sens linguistique, la janaba, donc elle est prise de certains sens, on dit un homme junub, yuqalu rajulun junub, wa rajulan junuban, wa rijalun junub, wa ajnabun wa junubun. Pourquoi est-ce qu'on a appelé cet état-là al-janaba? Parce que donc le liquide qui est le sperme a dépassé, donc est sorti de l'endroit dans lequel il se trouve à l'origine. Donc c'est pris de al-ijtinab, qui est le fait de délaisser, janaba, le fait de se séparer. Et aussi il est dit que ça a été appelé al-janaba, car la personne tajtanibu salah, elle délaisse la prière, ainsi que les autres adorations qui sont interdites lorsqu'on est dans cet état-là. Wa tajtanibu al-malaika, et aussi les anges délaissent la personne qui est en état de janaba. Donc la janaba, vous voyez que c'est pris de l'ijtinab, du verbe yajtanibu, ijtinaban, ijtinab. C'est le masdar du verbe yajtanibu, qui est le délaissement, le fait de s'écarter de quelque chose, de le délaisser. Et le fait que la personne est délaissée par les anges en état de janaba, c'est rapporté dans un hadith qui est bon. Cheikh al-Albani Hassanahu l'a authentifié, il a dit que c'était un hadith bon. Il est rapporté par Abu Daoud, an Ammar ibn Yasir radiyallahu an, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal, thalathatun la taqrabuhumul malaika. جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ والجنب إلا أن يتوضأ. Donc Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois personnes, les anges ne les approchent pas. Trois personnes, les anges ne les approchent pas. Le premier, جيفة الكافر, donc le cadavre du mécréant. Et celui qui est imprégné de khalouq, qui est une forme de parfum dans lequel il y a du za'faran, du safran, et les anges n'approchent pas cette personne-là, l'homme, donc qui met ce parfum-là, qui est un parfum de femme. Ainsi que la personne qui est en janaba, donc en grande impureté, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Cheikh al-Albani l'a qualifié de bon. Donc, quelles sont les preuves qu'il est légiféré donc de faire un bain rituel, un lavage lorsqu'on est en état de janaba? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, surat An-Nisa, verset 43. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, n'approchez pas la prière ou bien les endroits de prière. Il y a deux explications chez les salafs rahimahumullah. Lorsque vous êtes en état donc d'ébriété, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, et ni en état donc de janaba, sauf quelqu'un de passage, jusqu'à ce que vous preniez votre bain. Hatta tartasilu. Donc ça, c'est une preuve qu'il est légiféré donc de prendre un bain lorsqu'on est en état de janaba. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi donc dans surat al-Ma'ida ainsi que dans surat al-Nisa, dans le verset 43 et le verset d'Al-Ma'ida aussi, wa in kuntum junuban fattaharu. Et si vous êtes en état donc de janaba, fattaharu, purifiez-vous. Et c'est le ghusl ici qui est visé, comme l'ont expliqué les mufassirun ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. L'auteur dit ensuite rahmatullahi alayhi wal mujibu lah, et ce qui le rend obligatoire. Donc ce bain rituel, il est légiféré, hein, pour certaines raisons. Quelles sont les raisons qui font que l'on doit prendre notre bain rituel pour enlever le hadath akbar? Première raison, il dit khurujul mani, la sortie de mani, la sortie de sperme. D'abord, qu'est-ce que le sperme? Il faut définir le sperme pour pouvoir, inshallah, le reconnaître des autres liquides qui sortent, donc des parties génitales de la femme comme de l'homme. Donc, el mani yu, il y a une shadda sur le ya. Al-maniyu ma'un abyadu ghalid. Donc c'est un liquide qui est blanc et qui est épais fi haqqi rijal, en concernant les hommes. Donc pour les hommes, c'est un liquide, donc ça c'est la première chose, c'est un liquide, c'est pas un solide, qui est blanc. Quelle est sa couleur? Il est blanc. Ghalid, épais. Ça c'est concernant les hommes. Asfaru raqiq fi haqqi an-nisa. Et il est jaune et fin concernant les femmes. Yushbihu ra'ihat al-ajin. Son odeur ressemble donc à l'odeur de la pâte, de la levure. Yakhruju dafaqan bil-ladha. Et il sort par à-coup. Donc il sort en giclant par à-coup fortement bil-ladhatin, avec plaisir. Donc ça, c'est des caractéristiques qui permettent de reconnaître le sperme. Si jamais il n'a pas ces caractéristiques-là, donc ce n'est pas du sperme, soit de manière totale, ou bien ce n'est pas la sortie qui implique, donc il doit y avoir bain rituel. C'est pour ça que l'auteur a dit « وَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقِ وَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقِ » Et c'est le liquide qui sort fortement, qui sort par à-coup, qui sort par giclement. Car le sperme, il se peut qu'il sorte, mais pas de cette manière-là. Hein, qu'il sorte, qu'il s'épanche, soit par maladie, soit en raison de froid, soit parce que une personne a reçu un coup, soit parce que la personne a reçu un coup. Cette sortie-là de sperme, hein, même si c'est du sperme qui est sorti, ce n'est pas une sortie qui implique l'état de Janaba. Ce n'est pas une sortie qui implique donc l'état de Janaba. Et ceci est mentionné dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa salam dit, donc le hadith est rapporté par Ali radiyallahu anhu, قال كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل اذا رايت المذي فاغسل ذكرك وتوضا وضوءك للصلاه فاذا فضخت الماء فاغتسل رواه احمد وابو داود والنسائي. Donc ce hadith que l'on va rapporter, c'est pour montrer que la sortie de sperme qui est prise en considération pour dire qu'il y a état de janaba et qu'il faut donc ensuite prendre un bain rituel, c'est la sortie du sperme qui se fait par à-coup giclement et non pas une sortie de sperme qui se ferait sans cette qualité-là. Selon Ali radiyallahu anhu, donc il a dit, j'étais un homme dha'an qui avait beaucoup de sorties de liquide pré-éjaculatoire. On avait expliqué ce que c'était. Il a dit donc, je prenais mon bain jusqu'à ce que mon dos s'est craquelé. À force de laver son dos se craquelait. Il a donc rapporté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ça lui a été rapporté. Ça c'est un doute du rawi, pas de Ali, radiallahu anhu, d'un rapporteur du hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la taf'al. Donc ne fais pas cela, c'est-à-dire de prendre des bains, de prendre un bain à chaque fois que tu as une sortie de liquide pré-éjaculatoire. Il dit, lorsque tu vois al-madhya, le liquide pré-éjaculatoire, farsil dhakarak, lave. Donc ton pénis, wa tawadda wudu akali salah, et fais tes ablutions comme tu les fais pour la prière. Fa'idha fadakhta al-ma'a fartasil. C'est cette partie qui nous intéresse le plus. Fa'idha fadakhta al-ma'a, et lorsque tu éjacules le liquide, c'est-à-dire le sperme, et al-fadr, donc c'est la sortie avec force dans la langue arabe, fartasil, prend alors ton bain. Rawahu Ahmed, rapporté par Ahmed, Abu Daoud et An-Nasa'i. Donc cette qualité qui a été citée par le prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith, elle est mu'athira, elle a une implication, c'est que si jamais le sperme ne sort pas avec cette qualité citée, alors il ne faut pas faire son lavage rituel, car il a dit fa'idha fadakht al-ma'a fartasil. Si jamais donc tu éjacules le sperme, donc avec la qualité du fadr qui est la sortie par force, fartasil, alors fais ton lavage. Ce qui sous-entend que s'il ne sort pas avec cette qualité, alors ne fais pas ton lavage, ton bain rituel. Donc l'expression du shir khuroujul mani, la sortie de sperme, elle est annulatoire, qu'elle se fasse en état de veille ou bien de sommeil. Si la personne est en état, donc il est éveillé, si la personne est éveillée, la sortie de sperme, elle implique donc la janaba. Elle implique la janaba si jamais elle se fait avec les qualités que nous avons dit, donc notamment que ça sort par giclement, par force, par à-coup. Mais si jamais ça se fait par épanchement comme ça, exceptionnel, et pas avec les qualités que nous avons citées, ça n'implique pas la janaba, mais ça annule les ablutions. ça annule les petites ablutions. Car nous avons dit que les petites ablutions, la tahara sughra, la petite pureté, elle est annulée de manière totale par tout sortant des deux voies, qu'il soit pur ou impur. Et le sperme est pur, nous avions vu ça dans les premiers cours de Kitab al-Tahara, le sperme est pur, il n'est pas impur. Sa sortie, si jamais elle se fait donc par giclement, plaisir, elle induit l'état de janaba, donc l'annulation de la grande pureté, et si elle se fait sans ces qualités-là, elle implique quand même l'annulation de la petite pureté, car tout sortant des deux voies est annulateur de, des ablutions, des petites ablutions, de la petite pureté. Et de même donc, en état de sommeil, hein, la sortie de sperme donc est annulatrice des ablutions de manière totale et absolue. Là. De manière totale et absolue. Lorsque la personne se réveille et qu'elle voit qu'elle a donc éjaculé du sperme, homme ou femme, elle doit donc prendre son bain rituel et elle voit sa grande pureté annulée. Si jamais la personne doute, est-ce que c'est du sperme ou est-ce que c'est du médi, du liquide pré-éjaculatoire. D'abord, elle regarde les caractéristiques du liquide qui a été donc émis. Si jamais il est blanc et épais, car cela n'est pas la qualité du médi. Le médi, on avait vu qu'il était transparent et il est lésij, il est collant et il n'est pas épais comme le sperme. Donc l'épaisseur est déjà une caractéristique différenciatrice. De même, le sperme est très blanc, à l'inverse du médi, du liquide pré-éjaculatoire. Il y a aussi l'odeur. Il y a aussi l'odeur. Le liquide pré-éjaculatoire, le médi est inodore de manière générale. Il est inodore alors que le sperme, il a l'odeur donc de al-ajin, de la pâte, de la levure. Les savants disent autre chose pour comparer. Ils disent que le sperme a l'odeur de une matière qui se trouve dans le palmier, mais nous, on garde ce critère-là. Donc il a l'odeur de la levure car c'est la matière avec laquelle on est en contact et laquelle... Et c'est la matière que connaissent les gens ici dans ce pays-là. Donc si jamais j'ai un critère qui me permet de reconnaître que c'est du sperme, alors je juge que c'est du sperme et je dois refaire... donc je dois faire mon grand bain, mon bain rituel pour enlever ma janaba. Si jamais je n'ai pas de critères différenciateurs qui me permettent de juger soit que c'est du sperme, soit que c'est du liquide pré-éjaculatoire, la base c'est que c'est du liquide pré-éjaculatoire. La base c'est que c'est du liquide pré-éjaculatoire, Allah a'lam. Il dit ensuite, rahmatullahi alayhi, wal-tiqa'ul khitanayn, et le contact des deux sexes. Wal-tiqa'ul khitanayn. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par al-khitanan? Al-khitanan, c'est un musanna, c'est un duel du mot khitan, du mot khitan. Al-khitan ici, c'est une kinaya. Donc c'est un mot qui est utilisé pour définir les parties génitales. Donc le pénis de l'homme et le vagin de la femme. Donc lorsqu'il y a contact des deux sexes, même s'il n'y a pas éjaculation, il y a état de janaba qui est donc impliqué pour l'homme comme pour la femme. Pour les deux personnes, il y a état de janaba. Et quel est le critère disant qu'il y a eu iltiqa ul khitanayn, qu'il y a eu donc contact des deux sexes, qu'il y a eu pénétration? C'est la disparition du gland dans le vagin de la femme. La disparition complète du gland. Si jamais c'est une partie du gland qui disparaît dans le vagin, il n'y a pas état de janaba s'il y a pénétration partielle du gland dans le vagin de la femme. S'il y a disparition du gland, donc à l'intérieur du vagin de la femme, il y a état de janaba. Il y a état de janaba. Quelle est la preuve de cela? An Abi Hurayra radiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal: "Idha jalasa bayna shu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Rawahu al-Bukhari. Wa 'inda Muslim wa in lam yunzil. Donc selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il se positionne entre ses quatre membres, ثم جاهدها, et qu'il la pénètre, فقد وجب الغسل, le bain est désormais obligatoire. Rawahu al-Bukhari. Le hadith est rapporté par al-Bukhari. Et dans une version du Muslim, il y a un ajout qui dit, wa in lam yunzil, et même s'il n'éjacule pas. وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل Et chez Muslim, rahmatullahi alayh, dans le hadith de Aisha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il se positionne entre ses quatre membres, et que le khitan touche le khitan, donc et que le pénis touche le vagin, faqad wajaba al-ghusl, le ghusl est désormais obligatoire. Il dit ensuite, rahmatullahi alayhi, wal wajibu fi, et ce qui est obligatoire, donc dans le ghusl. Donc le ghusl est composé de divers actes dont le statut n'est pas le même. Il y a certaines choses qui sont obligatoires et d'autres qui sont sunnah, recommandées. Donc ici l'auteur, rahmatullah alayh, va nous développer qu'est-ce qui est obligatoire dans ghuslul janaba, dans le lavage d'al janaba. Il dit, rahmatullah alayh, an-niyya, l'intention. La première chose, c'est l'intention. Et nous avions déjà développé cette règle-là, que de manière générale, toute adoration est conditionnée par l'intention. Il faut obligatoirement émettre une intention pour qu'une adoration puisse être une adoration. Et une adoration est authentique si elle répond à deux règles, à deux critères. La première, c'est qu'elle soit faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, c'est qu'elle soit conforme à la législation donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on veut dire intention ici, ce n'est pas l'intention générale, c'est-à-dire vouer un acte pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Ça, c'est obligatoire pour toutes les adorations. Pour toutes les adorations, c'est obligatoire. Ce que l'on vise par là, c'est l'intention spécifique en lien avec le ghusl. Quelle est cette intention? C'est enlever al-hadathul akbar. Al-hadathul akbar. Pourquoi est-ce que je fais mon ghusl? Pourquoi est-ce que je le fais? Pour me rafraîchir, ce n'est pas un ghusl min al-janaba. Est-ce que je le fais pour simplement me laver dans le sens mondain, hygiénique, et non pas pour enlever ma janaba? De même, ce n'est pas un ghusl min al-janaba. Ce n'est pas un lavage en raison de la janaba. Donc la niya qui doit être émise pour pouvoir dire que ce ghusl-là, ce bain-là, ce lavage-là est un lavage pour enlever la janaba, c'est que je le fais donc pour enlever ma grande impureté, la janaba. Et la niya ne demande pas de philosopher comme font beaucoup au point de tomber malade. Simplement, lorsqu'on te pose la question, pourquoi tu prends ce bain-là, la réponse que tu donnes, c'est ta niya. Si tu dis j'ai chaud, j'ai beaucoup transpiré aujourd'hui, je vais enlever un peu mes mauvaises odeurs, donc ça ce n'est pas un ghusl min al-janaba. Donc la réponse que tu donnes à la question pourquoi tu prends ton bain, eh ben c'est ta niya, c'est ton intention. Donc il ne faut pas trop réfléchir et rentrer dans tanattu', dans le détaillisme qui rend malade beaucoup de personnes au niveau de la niya. Les salafs rahimahumullah étaient simples dans leurs intentions et ils n'étaient pas compliqués comme le sont certains aujourd'hui. Donc la niya, c'est enlever donc sa grande impureté, enlever sa grande impureté et aussi enlever donc la petite impureté, le hadith asrar. Le hadith asrar, selon le madhab, et on choisit cet avis-là, on le garde, inshallah. Qu'il faut, pour pouvoir ensuite faire sa prière, lorsqu'on fait notre bain rituel, mettre l'intention d'enlever le grand hadith, la janaba, dû à la sortie de sperme, au contact des deux sexes, etc. Et aussi, il faut mettre l'intention d'enlever le petit hadith. D'enlever le petit hadith. Il faut obligatoirement avoir ces deux intentions-là. Et celui qui met simplement l'intention d'enlever le grand hadith, donc voit son grand hadith enlevé, sa grande impureté, mais il ne peut ensuite faire sa prière tout de suite simplement par ce ghusl-là, il faut qu'il fasse ses ablutions après avoir fait son ghusl. Même si certains savants disent que simplement faire le ghusl, donc pour enlever sa janaba, ça enlève le petit hadith. Mais nous on garde cette parole là qui dit qu'il faut les deux intentions en raison du hadith du prophète alayhi salatu wa salam, innamal a'malu bin niyyat, les actes ne valent que par les intentions, wa innamal likulli imri'in ma nawa, et chaque personne aura pour lui ce qu'il a eu l'intention de faire. La personne qui a eu l'intention d'enlever son grand hadith a pour lui seulement l'enlèvement du grand hadith, et celui qui a eu l'intention d'enlever le grand et le petit hadith a pour lui l'enlèvement des deux hadith, petit et grand. Wallahu a'lam. Donc première condition, c'est la niya. La niya, nous avions dit que mahalluha al-qalb, son endroit, c'est le cœur. Et c'est une bid'a de la prononcer avec la langue. C'est une bid'a de la prononcer avec la langue. Quand est-ce qu'elle se fait? Elle doit se faire au début de l'adoration. Donc c'est la première chose que j'aimais avec mon cœur. Il dit ensuite, et recouvrir son corps. Et recouvrir son corps avec donc le lavage avec l'eau. Recouvrir le corps, ça c'est la deuxième obligation. Recouvrir tout son corps. Il faut que l'eau touche tous les endroits du corps. Tous les endroits du corps doivent être atteints par l'eau. Et il est demandé donc, par rapport à cette chose-là, d'avoir une pensée majoritaire, ce qu'on appelle « ghalabatu dhann ». Car le yaqin, la certitude à 100% que l'eau a atteint donc toutes les parcelles, hein, aussi minimes, infimes qu'elles soient de mon corps, ça relève quasiment de l'impossible. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas surchargé hein, de quelque chose que l'on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si vraiment tous les endroits de notre dos ont été touchés puisqu'on ne les voit pas. Donc de nombreuses parties de notre corps ne sont pas visibles. Donc il est simplement demandé d'avoir une pensée majoritaire, hein, forte, que l'eau a atteint ces parties-là. Mais on ne peut pas atteindre la certitude à 100% et ce n'est pas demandé. Tout comme ça a été rapporté dans le hadith que l'on verra ensuite, où Maymouna radiallahu anha dit « Hatta dhanna annahu rawwa usulah » ou Aisha radiallahu anha dit que le prophète alayhi salatu wasalam, lorsqu'il pensait avoir donc mouillé la racine de ses cheveux, il verser l'eau sur le reste de son corps. Elle n'a pas dit jusqu'à ce qu'il était sûr. Elle ne peut pas être sûre de cela. Mais il pense majoritairement que l'eau a atteint toutes les parties de son cuir chevelu. Alors à ce moment-là, il versait l'eau sur le reste de son corps. Ma'al madmadati wa listinshaq. Avec la madmada et listinshaq. Donc recouvrir tout son corps d'eau. Et on ajoute à cela la madmada. Donc le fait de bouger l'eau dans la bouche ainsi que le fait d'inspirer de l'eau et la rejeter, ce qu'on appelle l'istinshaq. Ça, dans le madhhab, c'est obligatoire. C'est obligatoire, pourquoi? Parce que ça fait partie de dhahirul badan. Ça fait partie de l'extérieur du corps. Ça fait partie de l'extérieur. Et les preuves sont nombreuses. La personne qui boit du vin et qui ne fait pas passer le vin au-delà de l'aluette hein, n'est pas considérée comme un buveur de vin en islam. Donc, on n'applique pas la sentence sur lui, etc. De même dans le jeûne, la personne qui met de l'eau dans sa bouche et la recrache, ou qui met même de la nourriture dans sa bouche et ça ne dépasse pas l'aluette et qui la recrache et qui ne voit pas de traces donc de l'eau ou bien de la nourriture entrer dans l'intérieur de son corps, il n'est pas considéré comme quelqu'un ayant rompu son jeûne. Donc la bouche et le nez font partie de l'extérieur du corps, donc il est demandé de le laver. Wallahu a'lam, c'est l'avis du madhhab, on le garde bihawlillahi azza wa jalla. Donc, quelle est la preuve qu'il est simplement obligatoire donc de recouvrir tout son corps d'eau et qu'il n'est pas demandé plus que cela. Donc, le hadith est dans le Bukhari, rahmatullah alayh. Donc, le hadith est long. Et dans ce hadith-là, le prophète alayhi salatu wassalam a donné un récipient d'eau à un homme qui avait été atteint d'une janaba. Un homme avait été atteint d'une janaba. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui a donné un récipient d'eau et lui a dit « Idhab, pars et verse-le sur toi ». Donc il lui a donné ce récipient-là et il ne lui a pas dit de faire, donc comme l'on va voir dans la meilleure manière de faire le rousl, de faire les ablutions comme on fait les ablutions pour la prière, de faire trois fois le cuir chevelu, hein, de laisser les pieds pour la fin comme c'est le cas dans la version de Maymouna radiallahu anha. Simplement il lui a dit « Idhab, donc pars ». Et verse-le sur toi, et il ne lui a pas donné d'autres détails. Et quant à la niya, le caractère obligatoire de la niya, ça c'est pour toutes les adorations, et c'est fondé sur le hadith de Omar radiallahu an, dans lequel le prophète alayhi salatu wa sallam dit, les actes ne valent que par les intentions, et chacun aura pour lui ce qu'il aura eu l'intention de faire. Donc le rousl, le lavage, le bain rituel pour enlever la janaba, il a deux manières. La première, c'est ce qu'on appelle sifatul ijza. Donc c'est la manière minimale sans laquelle il n'y a pas acceptation donc de ce rousle-là. C'est celle qui a été citée par le cheikh. Elle est composée de la niya, l'intention d'enlever son grand hadith, et le fait de recouvrir tout son corps d'eau avec la madmada et l'istinchar. Ça, c'est le minimum qui est demandé pour qu'on dise que c'est un rousl min al-janab. La niya, l'intention d'enlever le grand hadith. Et mettre aussi l'intention d'enlever le petit hadith, si jamais on veut après faire la prière avec, toucher le Coran. Ensuite, recouvrir tout son corps d'eau avec la madmada et l'istinchar. Ça, c'est le minima requis. Ensuite, on a sifatul kamel. Donc, la manière de complétude qui est la meilleure manière. Et c'était celle que faisait le prophète, alayhi salatu wassalam, et qui a été décrite donc, dans divers hadiths, notamment par Maymouna, radiyallahu anha, et Aïcha, radiyallahu anha, les deux épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le shaykh, rahimahullah, a dit ensuite, Ibn Qudama, rahmatullah alayhi, wa tusannu tasmiyah. Et les sunnah, donc il est recommandé de dire bismillah. C'est une sunnah de dire bismillah. Donc dans le madhhab, ils se sont basés sur donc les hadiths de al-wudu, des ablutions, où le prophète alayhi salatu wassalam qui dit n'a pas d'ablution celui qui n'évoque pas le nom d'Allah sur elle. On avait dit que c'était un hadith faible, wallahu a'lam, chez la majorité des savants. Et par qiyas aussi sur al-wudu. Par qiyas sur al-wudu. Et Allah a'lam, la majorité disent que c'est recommandé. Wallahu a'lam. وَيَدْلُكُ بَدَنَهُ بِيَدَيْهِ. Ensuite, il frotte son corps avec ses deux mains. Frotter son corps avec les deux mains. Donc, lorsque l'on passe l'eau sur notre corps, il est légiféré donc de frotter avec nos mains. Si jamais l'eau ne peut atteindre donc le corps, si ce n'est par le frottement avec les mains, il est obligatoire donc de prendre l'eau et frotter avec nos mains, notre corps avec cette eau. Si jamais l'eau ne peut atteindre le corps, si ce n'est par le frottement devient obligatoire. On avait donné la règle, مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Lorsqu'une chose obligatoire ne peut être concrétisée, si ce n'est par une autre, alors cette autre chose-là devient à son tour obligatoire. Et si ce n'est pas le cas, si l'eau peut atteindre donc le corps sans qu'il y ait frottement, comme avec les douchettes contemporaines ou autres, alors le frottement reste recommandé chez la majorité des savants, Allah a'lam. Mais il y a consensus sur le fait que c'est au minimum recommandé, que c'est légiféré. Il y a consensus sur le fait que c'est légiféré. Il dit ensuite, وَيَفْعَلُ كَمَا رَوَتْ مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ. Et il fait comme a rapporté Maymouna رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Donc ici, on va avoir une description du rusl kamil, بِصِفَةِ الْكَمَلِ, avec sa description complète. Donc là, c'est le rusl avec les sunnahs, hein, avec sa manière complète. Donc elle dit, radiyallahu anha, satartu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, j'ai voilé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faghtasala min al-janaba, et il a fait son lavage en raison de la janaba, fabada'a faghassala yadayhi, il commença et lava ses deux mains, thumma sabba bi yaminihi ala shimalihi, puis il versa avec sa main droite sur sa main gauche, faghassala farjahu, et il lava son sexe, wa ma asaba, et ce qu'il avait atteint, donc comme sperme, ainsi que comme liquide sortant du vagin de la femme. ثُمَّ دَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ وَالْأَرْضِ. Puis il frappa donc avec ses mains sur le mur et sur le sol. ثُمَّ دَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ وَالْأَرْضِ. Puis il frappa avec sa main sur le mur et le sol. ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. Puis il fit ses ablutions comme il les fait pour la prière. ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى بَدَنِهِ. Puis il versa l'eau sur son corps. ثُمَّ تَنَحَّى. Puis il se déplaça. فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. Et il lava ses deux pieds. Donc il y a beaucoup de choses à tirer de ce hadith de Maymouna radiallahu anha. Le premier, c'est qu'il est légiféré donc que la femme soit au service de son mari. Car elle dit, radiallahu anha, satartu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. J'ai voilé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle tenait un drap, un voile, pour donc cacher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc aussi recommandé de se voiler lorsque l'on fait notre rousl. Lorsqu'on fait notre rousl, il est recommandé de se voiler. Comme aujourd'hui nous avons, hein, dans les salles de bain contemporaines, des gens qui mettent un rideau comme ça dans leur douche, ou bien ils ont des portes coulissantes ou autres. Toutes ces choses-là, Inch'Allah, entrent dans le fait de se voiler. Bi'idhnillahi azza wa jal. Satartu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai voilé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faghtasala min al-janaba. Et il prit son bain donc en raison de la janaba. Fabada'a faghassala yadayhi. Donc il commença et lava ses deux mains. Il lava ses deux mains. Donc après l'intention, première chose qui est légiférée, laver ses deux mains. Laver ses deux mains. ثم صب بيمينه على شماله. Puis il versait, donc avec sa main droite sur sa main gauche, فغسل فرجه. Et il lava donc son sexe. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام, après avoir lavé ses deux mains, il prenait de l'eau avec sa main droite, la mettait dans sa main gauche et lavait ensuite donc ses parties, de devant et de derrière. Nous avions dit que le mot farj recouvrait devant et derrière. وما أصابه, et il lavait aussi ce qui avait été atteint donc de son corps par donc le sperme ou bien aussi les sécrétions qui sortent du vagin de la femme. Donc il lavait ses parties devant, derrière et aussi hein, ce qui avait pu le toucher au niveau des cuisses ou autre. ثم ضرب بيده على الحائط والأرض. Puis il tapa avec ses mains sur الحائط, le mur, et الأرض, le sol. Cette raison-là, cet acte-là, les savants, certains ont dit que c'était fait donc pour une raison, et d'autres disent que c'était abboudi, adoratoire, et on ne comprend pas le sens de cela. Donc il frappait, la majorité disent, parce qu'il risquait encore d'avoir quelque chose dans sa main, et il avait peu d'eau, donc il frappait le mur pour que les restes de ce qui serait éventuellement encore sur sa main tombent et s'en aillent contre le mur. Donc si jamais on dit que c'est pour cette raison-là que le prophète alayhi salatu wasalam l'a fait, donc il a frappé le mur et le sol. Il a frappé le mur et le sol. Et dans d'autres hadiths, il a frotté sa main contre le sol. Si on dit qu'il l'a fait donc parce qu'il aurait encore une impureté du sperme ou autre encore au niveau de sa main et qu'il a peu d'eau et que pour se débarrasser de cela, il a frappé le sol et le mur, alors on peut remplacer cela. Hein, on peut remplacer cela par un lavage au savon. On peut remplacer cela par un lavage au savon. Et il a alors légiféré donc de faire cette chose-là si on est dans le même cas que le prophète alayhi salatu wasalam, qu'on a peu d'eau alors qu'on est dans le besoin de taper le mur et le sol. Si jamais on dit que c'était aboudi, qu'on ne comprend pas le sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, donc on le fait. On le fait même s'il n'y a pas de raison. Mais Allah a'lam, les savants dans leur shuruh souvent disent qu'il y a une raison, c'était que le prophète alayhi salatu wa sallam avait fait cela pour se débarrasser hein, du reste des mauvaises choses qu'il aurait eu dans sa main, et notamment parce qu'il avait peu d'eau, alayhi salatu wa sallam. ثم توضا وضوءه للصلاه. Puis il fit ses ablutions hein, comme il les fait pour la prière sallallahu alayhi wa sallam. Donc après avoir émis l'intention, laver ses mains, laver ses parties hein, avoir lavé ses parties de devant, de derrière et ce qui a été touché donc soit par le sperme ou les sécrétions de la femme, il est légiféré de faire ses ablutions comme on les fait pour la prière. Donc on refait nos mains trois fois, la bouche, le nez, le visage, le bras droit, le bras gauche, le cuir chevelu, les oreilles et les pieds. Et les pieds, ou bien on fait reculer les pieds jusqu'à la fin du roussel, comme c'est le cas ici dans le hadith de Maymouna. On va expliquer pourquoi Allah a. Donc il fit ses ablutions. Il fit ensuite ses ablutions. Ces ablutions-là, ce ne sont pas des ablutions dans lesquelles, à travers lesquelles on veut enlever le petit hadith. Non, ce sont des petites ablutions dans l'apparence, mais c'est un acte du rousl min al-janaba. Ça rentre dans le bain d'al-janaba. C'est pour ça que tous ces actes-là, on a pour intention au début d'enlever le grand hadith. On a pour intention d'enlever le grand hadith. Et enlever le petit hadith, ça c'est adjoint à cette niya-là. Donc si une personne, elle lave ses mains au début, là, comme ça a été émis après l'intention, la personne a lavé ses mains. Ce lavage des mains, c'est pour enlever le grand hadith. Après, elle lave ses parties intimes. Et tout ce qui a lieu aussi, là, sous forme de petites ablutions, dans l'apparence, mais qui est dans la réalité, pour enlever le grand hadith, c'est donc des membres que l'on ne va pas obligatoirement relaver derrière. Et ce n'est même pas légiféré de les relaver. Pourquoi ? Parce que ça entre dans le roussel. Donc, quand je vais faire mes ablutions en apparence, donc qui sont comme les ablutions de la prière, mais qui, dans l'intention, entrent dans le grand lavage rituel, je vais laver mon avant-bras droit, je vais laver mon avant-bras gauche, je vais laver mon visage. Ces membres-là, je ne les relave pas ensuite. Je ne le relave pas, car ils ont été lavés. Donc je ne mets pas l'intention d'enlever mon petit hadith avant ces ablutions-là, car ce ne sont pas des ablutions pour enlever le petit hadith. La niya d'enlever le petit hadith, elle a été mise en place au début avec l'intention d'enlever le grand hadith. Donc il fait ses ablutions comme il les fait pour la prière, sauf que ici, il ne lava pas ses pieds, alayhi salatu wassalam, comme l'a cité Maimouna, il les a lavés à la fin. Et dans une autre version que ce hadith-là, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette version qu'on a ici dans le texte Al-Umda. Il y a plusieurs versions. Dans une autre version, elle dit ثُمَّ تَوَضَّعَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَةِ puis il fait ses ablutions comme pour la prière غَيْرَ رِجْلَيْهِ sauf ses pieds. Donc là, la version, elle est claire que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas lavé ses deux pieds lorsqu'il fit ses ablutions. Car cette version qu'on a ici dans le texte Al-Umda, elle pourrait nous amener à croire qu'il a fait ses ablutions comme pour la prière avec les pieds et qu'il les a refait à la fin du bain. Ce qui n'est pas le cas. Car une autre version dit bien qu'il n'a pas fait ses pieds lorsqu'il a fait ses ablutions comme pour la prière. ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى بَدَنِهِ puis il a versé l'eau alayhi salatu wassalam ala badani sur son corps. Donc sur le reste de son corps qui n'a pas été lavé. Sur le reste de son corps qui n'a pas été lavé. ثُمَّ تَنَحَا puis il s'est enlevé فَرَسَ عَلَى رِجْلَيْهِ et il a ensuite lavé ses deux pieds. Les fuqaha ont dit pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a reculé le lavage des deux pieds. Donc les savants ont cité des raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reculé le lavage de ses deux pieds à la fin donc de son bain. Beaucoup disent c'est parce que donc il se lavait dans un endroit où il n'y avait pas écoulement de l'eau. Il n'y avait pas écoulement de l'eau, donc il laissait le lavage pour la fin afin que ses pieds sortent propres. D'autres disent c'est parce que c'était dans la terre. Que donc ça faisait de la boue et que ça collait à ses pieds. Donc à la fin, il s'écartait de cet endroit-là et lavait ses pieds pour partir avec les pieds propres. D'autres disent c'est pour que, l'imam Qurtubi a dit cette parole-là, afin que les premiers membres lavés ainsi que les derniers soient des membres des ablutions. Allah a'lam. La majorité dit souvent que c'est en raison du fait qu'il n'y avait pas écoulement d'eau et que c'était pour que ses pieds soient propres. On a d'autres descriptions du rousle du prophète alayhi salatu wassalam. Notamment, on a le hadith de Aïcha radiallahu anha que l'on va citer qui nous apporte d'autres informations. An Aïcha radiallahu anha zawjin nabiyyi sallallahu alayhi wassalam kana idha agtasala min al janabati bada'a fa ghasala yaday. Donc selon Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wassalam, donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wassalam prenait son bain en raison de la janaba, il commençait en lavant ses deux mains. ثُمَّ يَتَوَضَّعُ كَمَا يَتَوَضَّعُ لِلصَّلَةِ puis il faisait ses ablutions comme il faisait ses ablutions pour la prière. ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ puis il faisait pénétrer ses doigts dans l'eau. فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَارِهِ et il frictionnait donc ensuite avec ses doigts la racine de ses cheveux. Donc ça c'est une information qu'on n'avait pas dans le hadith de Maimouna. ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ puis ensuite il versait sur sa tête trois poignées d'eau avec ses deux mains. Donc il prenait trois poignées d'eau et les versait sur sa tête alayhi salatu wassalam. ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ puis ensuite il faisait couler l'eau sur toute sa peau sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et l'expression citée est celle d'Al-Bukhari rahmatullah alayhi. Concernant le lavage de la tête, est-ce qu'il prenait donc trois fois l'eau avec ses mains et à chaque fois il recouvrait toute sa tête, donc avec la première prise d'eau il recouvre tout son cuir chevelu, puis avec la deuxième prise d'eau encore tout le cuir chevelu, ou bien la troisième fois tout le cuir chevelu encore, ou bien est-ce qu'il faisait une partie avec la première poignée d'eau, une deuxième partie avec la poignée d'eau et une autre partie encore avec la dernière poignée d'eau, de manière à ce que les trois poignées d'eau dans leur totalité recouvrent la tête et non pas de manière individuelle. Ça, on a la réponse dans un hadith de Aïcha radiallahu anha. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه متفق عليه. Elle dit, radiallahu anha, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait son lavage en raison de la janabah, il demandait quelque chose qui était comme al-hilab, qui est un récipient qui a la contenance environ d'une traite. فَأَخَذَ بِكَفِّهِ Et il prenait donc avec sa main, et il commençait par la partie droite de sa tête. Donc il prenait de l'eau et lavait la partie droite de sa tête. Ensuite il reprenait de l'eau, ثُمَّ الْأَيْسَرِ Puis il lavait la partie gauche de sa tête. فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِ Et il faisait ensuite donc le dernier lavage sur le milieu de sa tête. Donc premier lavage à droite, deuxième lavage à gauche et troisième lavage au milieu de la tête. Muttafaqun alayhi, le hadith est unanimement reconnu authentique. Donc on reprend bi'iznillah azza wa jal les étapes du ghusl. Première étape, an-niyya, l'intention. Qu'est-ce qu'on met comme intention? Au minimum, enlever le grand hadith. Si on met que l'intention d'enlever le grand hadith, on ne pourra pas ensuite prier avec ce rousle-là selon le madhhab et la vie que l'on garde, incha'Allah. Pourquoi? Parce qu'on a encore le petit hadith qui est présent. Donc on met les deux intentions, enlever le grand hadith et le petit hadith. Ensuite, on lave nos mains. On lave les mains. Puis ensuite, on lave nos parties intimes et ce qui a été touché donc par le sperme, les liquides divers. De l'homme comme de la femme. Ensuite, on fait ses ablutions tout comme on les fait pour la prière. On fait nos ablutions tout comme on les fait pour la prière. Ensuite, on se lave la tête trois fois comme c'est indiqué dans le hadith de Aïcha radiallahu anha. Ensuite, on lave le reste du corps. Quand on dit le reste du corps, ne sont pas inclus donc les membres des ablutions. Est-ce qu'on lave trois fois le corps? Certains dans le madhhab ont dit oui. Qiyasan ala ras. Par raisonnement analogique sur la tête. On a le texte qui mentionne que la tête doit être lavée trois fois. Le corps, ce n'est pas mentionné. Donc le qiyas, dans l'ibadat, on a dit il est faible. Il est faible de manière générale. Donc Allah alam, ce n'est pas légiféré de laver trois fois. Sauf si jamais on n'a pas une pensée majoritaire que le corps n'a pas été recouvert d'eau de manière complète par un lavage. Alors on rajoute un deuxième. Et s'il faut un troisième. Sans rentrer dans l'ouest-ouest, sans rentrer après dans le suivi des insufflations de shaitan qui va nous amener toujours à faire tout plein de lavages parce qu'on croit toujours qu'on n'a pas recouvert notre corps de manière complète. On a dit, il faut avoir une pensée prépondérante plutôt que l'incertitude, car la certitude n'est pas atteignable dans ce type d'acte. Ensuite, concernant Tayyamun, laver d'abord la partie droite du corps avant la partie gauche. Est-ce que c'est légiféré? Na'am. En raison des hadiths qu'on avait vus précédemment, indiquant que de manière générale, le prophète alayhi salatu wassalam aimait commencer par la droite, et notamment fi tuhurihi. Aisha radiallahu anha a dit dans sa purification, et la purification ici, donc implique la petite comme la grande. Donc il est légiféré de commencer par le côté droit avant le côté gauche. Et quand on dit côté droit, c'est tout ce qui est à droite, devant comme derrière. Et côté gauche, tout ce qui est à gauche, devant comme derrière. Et le corps est coupé en deux. Le corps est coupé en deux de la tête aux pieds. Tout ce qui est à droite de la tête aux pieds, tout ce qui est à gauche de la tête aux pieds. Wallahu a'lam. Donc, est-ce qu'on doit refaire nos ablutions après avoir fait notre bain rituel? Après avoir fait notre bain rituel, est-ce qu'on doit faire nos petites ablutions? Qui répond à cela? Si on a pas mis la niya des petites ablutions, d'enlever le petit hadith avant, en même temps que le grand hadith, alors on nous sommes obligés de refaire les petites ablutions après. Voilà, selon le madhhab, on garde cet avis-là. Si jamais j'ai fait mon ghusl, mon bain rituel, simplement avec l'intention d'enlever le grand hadith et non pas d'enlever le petit hadith, après mon ghusl, je suis obligé de faire mes ablutions, ou pas de tout de suite après. Ce n'est pas obligé de le faire tout de suite après. Ouais. Mais au moins pour faire ma prière, toucher le Coran, ou autre chose conditionnée par la petite pureté, je suis obligé donc de faire al-wudu, mes ablutions. Mais le prophète alayhi salatu wassalam ne refaisait pas, lui, ses ablutions après le rousl. Il ne refaisait pas ses ablutions après le rousl. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل رواه الخمسة. عائشة رضي الله عنها دي le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم ne faisait pas ses ablutions après le ghusl rapporté par les cinq et Tirmidhi l'authentifie. Donc ça c'est si jamais on a mis l'intention donc des deux purifications, la petite et la grande. Si on a mis l'intention que pour la grande, il faut refaire ses ablutions. Donc ça n'a pas de lien avec le fait qu'on ait fait nos ablutions, hein, donc qui sont des ablutions en termes d'apparence, mais pas dans leur réalité, dans le rousle. Comme Maïmouna a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions comme il les fait pour la prière. Et Aïcha a dit aussi, il faisait ses ablutions comme il les faisait pour la prière. Ce n'est pas l'absence ou la présence de cet acte-là qui est en apparence et des ablutions pour la prière qui fait que le petit hadith est enlevé ou pas. Même si je fais sifatul ijza, c'est-à-dire la description minimale là, qu'on avait décrite, qui est l'intention, recouvrir tout le corps d'eau avec la madmada l'istinchar, avec les deux intentions, c'est suffisant ça pour prier. Pourtant il n'y a pas de petites ablutions en apparence dedans. L'intention est suffisante. Et si je fais le grand rousle avec des petites ablutions, qui sont des petites ablutions, pas pour enlever le petit hadith, mais qui sont simplement des ablutions, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça dans l'ensemble de ses grandes ablutions, si je ne mets pas l'intention d'enlever le petit hadith dans ce rousle-là, qui comporte les petites ablutions, le petit hadith n'est pas enlevé. D'accord ? Ce sont des petites ablutions en apparence, en image, mais pas dans la réalité de la chose, car elles ne sont pas là pour enlever le petit hadith. L'auteur dit ensuite, rahmatullah alayh, وَلَا يَجِبُ نَقْدُ الشَّعْرِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِذَا رَوَّ أُصُولَهُ. Et il n'est pas obligatoire de défaire ses cheveux dans le lavage d'El Janaba si jamais, donc la personne lave la racine de ses cheveux, si l'eau atteint la racine donc des cheveux. Donc quelle est la preuve de cela? Qu'il n'est pas obligatoire donc de défaire ses cheveux lorsque l'on veut faire notre roussel et qu'ils sont tressés. Donc ça on parle pour la femme lorsqu'ils sont tressés ou autre, est-ce que je suis obligé de les défaire pour pouvoir faire mon roussel d'El Janab? عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم. Donc selon أم سلمة رضي الله عنها, donc l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, j'ai dit ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, je suis une femme donc qui serre ses tresses donc sur sa tête. Est-ce que je dois les défaire pour le lavage d'El Janaba? Il dit le prophète alayhi salatu wa salam, non, non, il te suffit de verser sur ta tête trois donc poignées, trois fois l'eau, puis ensuite de recouvrir tout ton corps d'eau et tu seras alors purifié. Le hadith est rapporté par Muslim. Donc concernant le lavage d'El Janaba, il est clair qu'il n'est pas légiféré donc pour la femme de défaire ses cheveux pour les laver. Donc ce qui sera demandé, c'est de laver l'apparence des cheveux, hein, ce qui est donc encore apparent, mais ce qui est à l'intérieur des tresses, hein, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement lavé, comme ça a été indiqué ici dans ce hadith là concernant le lavage des menstrues. Donc après les menstrues, lorsque la femme voit ses écoulements de sang s'arrêter, concernant le lavage donc d'El Haïd, est-ce qu'il est obligatoire ou non de défaire les cheveux? Il y a divergence à ce niveau-là. Certains ont dit que c'est obligatoire en raison du hadith suivant dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha qui était en état de Haïd, en état de menstrue, il lui a dit « Unqudi sha'araki waghtasili » « Défais tes cheveux et prends ton bain ». Le hadith est rapporté par Ibn Majah et l'imam Al-Albani rahimahullah l'a authentifié. Et dans Sahihain, dans le Bukhari wa Muslim, unqudi ra'saki wa mtashiti, défais donc ta tête, c'est-à-dire les cheveux qui sont au-dessus de ta tête, wa mtashiti, et peigne-toi. Et d'autres ont dit que c'est mustahab en raison donc du hadith de Umm Salama radiyallahu anha précédemment. Wallahu a'lam, le plus sûr c'est de défaire ses cheveux lorsque c'est un rousl en raison des menstrues. Celle qui le défait pas, inshallah, c'est recommandé chez certains savants. Wallahu a'lam bil arjah. Allah est connaisseur de la parole la plus authentique. Wa idha nawa bi ghuslihi at-taharatayn ajza'a 'anhumā. Et si jamais il met l'intention, donc, par son ghusl, donc, de faire les deux purifications, donc la petite et la grande, cela lui est suffisant. Donc, on a expliqué cela. C'est clair et c'est fondé donc sur le hadith de Omar radiallahu anhu qui dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire, innama al-a'malu bin-niyyat, les actes, donc sont fonction des intentions, wa innama li kulli mari'in ma nawa, et chaque personne a pour lui ce qu'il a eu l'intention de faire. Donc celui qui a eu l'intention d'enlever le grand hadith voit son grand hadith enlevé, celui qui a eu l'intention d'enlever les deux hadiths voit ses deux hadiths enlevés, inshaAllah. Il dit, wa kadhalika law tayammama lil hadathayni وَالنَّجَاسَةِ عَلَى بَدَنِهِ أَجْزَاءَ عَنْ جَمِيعِهَا. Il dit, et de même s'il fait le tayammum en raison des deux hadaths, donc du petit et du grand. Il est en état de grande impureté, aussi de petite impureté. وَالنَّجَاسَةِ عَلَى بَدَنِهِ, et qu'il a une najasa, une impureté sur son corps. Donc il a de l'urine, il a de l'excrément, il a du sang sur son corps. Ça c'est une impureté matérielle, une najasa. Donc s'il fait le tayammum pour ces deux hadiths-là et la najasa sur son corps, cela lui est suffisant. Donc il n'a pas besoin de faire autre chose. Et ça, c'est fondé sur la parole donc, de l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, dans ce madhab. Dans le madhab, pour quelqu'un qui a une najasa sur le corps et qui n'a pas d'eau pour la laver, il est légiféré de faire le tayammum pour se purifier de cette najasa. Et ça, Allah alam, c'est faible. Allah alam, il n'y a pas de délil à ce niveau-là. C'est pour ça que l'imam Abdurrahman ben Qasim dans sa hachia de Raoud, Raoud on avait dit c'est une explication de Zad al-Mustaqni'. Et l'imam ben Qasim il a une hachia qui est une explication de cette explication là. Zad al-Mustaqni' c'est un texte, c'est le texte mère dans le madhab Hanbali, il est même devant Umdat al-Fiqh. Et il y a une explication de l'imam al-Bahouti qui s'appelle Ar-Raoud al-Murbi'. Et Ar-Raoud al-Murbi', l'imam Abdurrahman ben Qasim qui est celui qui a le recueil de fatwa, qui a fait le recueil de fatwa d'Ibn Taymiyyah et Durar Saniya, des savants de la Da'wa Najdiya, cette personne-là, elle a une hashiya sur Ar-Rawd al-Murbi'. Et il dit, rahmatullah alayhi, « Qala ghayru wahidin la yassihu tayammumuhu an najasa ala badanih inda jumhur al-ulama illa Ahmad fi qawlin lam yutaba' alayhi. » Il dit, plus d'un savant ont dit qu'il n'est pas authentique de faire le tayammum en raison d'une impureté qu'il a sur son corps. Donc ça, c'est chez la majorité des savants, il dit, l'imam Ibn Qasim, rahmatullah alayh, il dit, « Illa Ahmed, sauf l'imam Ahmed, dans une donc, de ses paroles, pour laquelle il ne faut pas le suivre. » Il n'y a pas de délil à ce niveau-là. Celui qui a une najasa sur son corps, il la lave s'il a de l'eau. S'il n'a pas d'eau, il ne peut pas la laver. Alors, il ne fait pas de tayammum. « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Allah subhanahu wa ta'ala ne charge une âme que ce qu'elle peut supporter. Il dit ensuite, وَإِنْ نَوَى بَعْدَهَا فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا نَوَى. Et s'il met l'intention, donc d'une de ces trois choses, il met l'intention lors du tayammum de se purifier de la najasa sur le corps. Donc selon la parole ici, mais nous on ne l'adopte pas. Donc il fait le tayammum pour se purifier de cette impureté matérielle najasa qu'il a sur le corps. Et il ne met pas l'intention d'enlever ses deux hadaths. Donc il a une purification de cette najasa. Et il n'a pas une purification des deux hadaths. S'il met l'intention d'enlever son grand hadath, il lui reste le petit hadath et la pureté matérielle sur le corps. S'il met l'intention du petit hadath, il lui reste le grand hadath et la petite et l'impureté matérielle sur le corps. S'il met l'intention d'une des trois, de deux des trois ou des trois des trois, il a pour lui ce qu'il a eu l'intention de faire. Wallahu a'lam. Mais on a dit que concernant l'impureté sur le corps matériel, il n'y a pas de tayammum. En revanche, le tayammum pour les deux hadiths, il est légiféré, on le verra dans le tayammum bi hawlillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.